Mettez une lampe de 150 watts sur un abat-jour qui est dans. Vous ne verrez pas de lumière. Puis il y en a qui ont des abat-jours qui sont tellement denses, tu vois rien. Fait que demandez-vous pas pourquoi est-ce que le gars au-dessus de l'abat-jour, il panique. Mais on a toujours cru à notre abat-jour. On a toujours voulu changer notre abat-jour. On le changeait pour un autre abat-jour. Ça nous arrange bien. Au lieu d'éliminer complètement l'abat-jour, on le changeait pour un autre. Qui c'est qui dit que t'es obligé d'avoir un abat-jour quand t'as une lampe? C'est parce que les lampes sont mal faites. Ou c'est les abat-jours qui sont trop denses. Une technique infaillible pour détruire le pire esprit, vos personnes qui vous disent. Il n'y en a pas de technique. Les techniques, ça fait partie du pire esprit. Quand je dis qu'on est enculé, c'est ce que je dis. On a de l'instruction, on voit, puis ça nous ouvre les lumières, puis ça nous ouvre les lumières, puis c'est ça qui diminue, puis qui diminue, puis qui diminue. Je suis sûr que la plupart d'entre vous autres, vous sentez un petit peu plus intelligent que vous étiez avant. Faut vous être technique, c'est rien fait. Ça fait partie du périsprit technique. C'est qui nous amène ça? C'est celui de pire esprit au-dessus de l'univers? Pardon? Ici aux conférences. C'est qui nous amène ici aux conférences? C'est-tu? Est-ce que c'est le pire esprit ou si c'est la lumière qui nous amène ici? Question intéressante. Question bien intéressante. C'est-tu le pire esprit qui vous amène ici dans la lumière? Ou osez espérer que c'est la lumière? Ça veut dire que quand on vient ici, il nous aide à ta façon, la lumière nous aide. Ça vient pas de quel esprit-là. Si vous venez ici, c'est parce qu'il y a assez de lumière dans votre ego pour venir. Ça veut dire qu'on n'est pas des fois. Il en esprit. Moi, c'est bien esprit. On n'est pas des cas perdus. Aucun homme est un cas perdu. Vous n'êtes pas des cas perdus, mais vous n'êtes pas nécessairement des cas sauvés non plus. Non. Mais au moins, vous avez une occasion. Mais ça dépend toujours de votre périsprit pareil. Mais ça, on ne peut pas en prendre conscience du périsprit. C'est totalement inconscient. Vous prenez conscience. Il ne s'agit pas de prendre conscience du périsprit. Il s'agit de comprendre les lois de l'intelligence. Mais une fois que vous comprenez les lois de l'intelligence, automatiquement, le périsprit disparaît. Parce que automatiquement, vous devenez plus intelligent. Quand tu deviens plus intelligent, c'est rien que ça que tu as besoin de savoir. Moi, je m'en crisse comme dans la galante de mon périsprit. La tête se dit sur qui? Pas de la même chose. Pas de la même chose. Tu n'as pas, c'est clair. Je souffre encore. Bon, pas de la même chose. Mais je souffre pas de mon périsprit. Sur le périsprit des autres. C'est pas mal bien. Je souffre du périsprit. Je souffre du périsprit de l'homme. Ce que j'appelle la conscience planétaire. Le karma planétaire. Pardon? Le karma planétaire.

C'est ça qui fait rationaliser ce qu'on dit. C'est-tu si abstrait que ça, le périsprit? Mais non, c'est correct. La différence entre l'homme qui vit dans le périsprit et l'homme qui vit en dehors du périsprit, c'est que l'homme qui est en dehors du périsprit fonctionne vibratoirement, uniquement. Il vit pas psychologiquement. Très juste. Il vit vibratoirement. Il vit vibratoirement. Très juste. Il est neutre face à tout ça. Il est totalement neutre. Il exécute. Ah, il vit vibratoirement. Parce que ce qui nous implique, quelque niveau que ce soit, on pointe dans le carré fou. Donc, je te trahis, puis on s'en va. Vivre vibratoirement, c'est ça. Vivre vibratoirement, c'est vivre dans l'intention de l'intelligence, dans l'intention de l'énergie de l'intelligence. Il n'y a aucune psychologie là-dedans. J'ai plus en faire avec ce qu'on vit, actuellement. Tu ne peux pas t'en faire parce que tu vis vibratoirement. Aussitôt que tu t'en fais, mais tu es dans le périsprit. Quand tu vis vibratoirement, tu ne peux pas t'en faire. Parce que tu n'as pas de matériel pour t'en faire. T'as pas de valeur pour t'en faire. Non. C'est né, ça, des symptômes. Mettre une valeur, c'est un symptôme du périsprit. Mais quand tu vis vibratoirement, tu peux poigner des vibrations dégueulantes. Tu peux t'en poigner des dégueulantes, tu peux passer des points. T'es dans ton intelligence. Hein? T'es dans ton intelligence, tu vis vibratoirement. Tu t'en pointes de temps en temps, les vibrations sont écœurantes, et puis ça te donne de la misère. Il est soir un peu cool, pour ça. Ils sont écœurantes pourquoi? Parce qu'ils font vibrer ton ego. Ben lui, il n'y a rien qui vibre à l'intérieur. Il n'y a pas d'ego, puis il souffre. Oui, c'est une souffrance vibratoire, c'est pas une vibration qui souffre. Mais ça n'a pas de... Ça ne crée pas de conditions psychologiques. Ça fatigue. Ça fatigue. Ça épuise. Ça ne fait pas travailler le mental. Mais ça ne fait pas travailler le mental. Ni l'émotion. Ça épuise, ça vide. Ça vide ta batterie. La colère, ça fait-tu... Mais il n'y a pas de résonance à l'intérieur du périsprit, de sorte que tu ne souffres pas... Tu ne souffres pas psychologiquement de la condition. Tu t'en souffres vibratoirement, tu t'en souffres pas psychologiquement. D'ailleurs, l'homme qui se conscientise souffrira de la vibration jusqu'à temps qu'il passe à l'éther. Parce que la vibration, souvent, est trop forte pour les conditions matérielles. Et plus l'énergie de l'intelligence entre dans l'homme, automatiquement, plus il se sensibilise à cette énergie-là. C'est ça qui crée la souffrance vibratoire. Mais il n'y a pas de souffrance psychologique. Quand je dis « je souffre », je ne veux pas dire que je souffre psychologiquement. Moi, souffrir psychologiquement, ça n'existe pas. Ou émotivement, ça n'existe pas. Mais... Parce que les symptômes. Mais c'est les symptômes psychosomatiques, là, c'est émotionnel, donc c'est le pire esprit, ça. C'est le pire esprit. Oui, t'en as pas de ça. Non. Non. Bon. Hein? Tu ne veux pas savoir qu'est-ce que c'est qu'on va dire. Ce que vous bâtissez, c'est-à-dire que je peux pas savoir, je peux l'expliquer. Oui. Je peux le comprendre en le parlant. Mais je peux pas le vivre. Mais tu l'as déjà vécu. Avant fusion. C'est ça. Il n'y a pas la mémoire. Non. Que tu ne peux plus leur vivre. Non. Tu peux pas ça en cœur. Ouais. Oui. Tu peux pas te remettre à penser. Tu peux pas retourner dans ton passé. Tu peux pas regarder ce que tu as souffert, ce que tu... Je peux même pas me rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu n'as plus de mémoire. Fait que tu souffres plus psychologiquement. Autrement dit, tu n'es plus affecté par ton périsprit. Mais quand tu souffres vibratoirement, c'est instantané, puis ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures.